Ecclésiaste chapitre 12. Jeune homme, réjouis-toi en ton jeune âge, et que ton cœur te rende gai au jour de ta jeunesse, et marche comme ton cœur te mène, et selon le regard de tes yeux, mais sache que pour toutes ces choses Dieu t'amènera en jugement. Ôte le chagrin de ton cœur, et éloigne de toi le mal, car le jeune âge et l'adolescence ne sont que vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que les jours mauvais viennent, et avant que les années arrivent desquelles tu dises, « Je n'y prends point de plaisir ». Avant que le soleil, la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent, et que les nuées viennent l'une sur l'autre après la pluie. Lorsque les gardes de la maison trembleront, et que les hommes forts se courberont, et que celles qui meulent cesseront, parce qu'elles auront été diminuées, et quand celles qui regardent par les fenêtres, seront obscurcies. Et quand les deux battants de la porte seront fermés vers la rue, avec abaissement du son de la meule, quand on se lèvera à la voix de l'oiseau, et que toutes les chanteuses seront abaissées, quand aussi l'on craindra ce qui est haut, et qu'on tremblera en allant, quand l'amandier fleurira, et quand les cigales se rendront pesantes, et que l'appétit s'en ira, car l'homme s'en va dans la maison où il demeurera toujours, et quand on fera le tour par les rues, en menant deuil, avant que le câble d'argent se déchaîne, que le vase d'or se débonde, que la cruche se brise sur la fontaine, que la roue se rompe sur la citerne, et avant que la poudre retourne en la terre, comme elle y avait été, et que l'esprit retourne à Dieu, qu'il a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Plus l'Ecclésiaste a été sage, plus il a enseigné la science au peuple, il a fait entendre, il a recherché et mis en ordre plusieurs graves sentences. L'Ecclésiaste a cherché pour trouver des discours agréables, mais ce qui en a été écrit ici, est la droiture même, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et les maîtres qui en ont fait des recueils, sont comme des clous fichés, et ces choses ont été données par un pasteur. Mon fils, garde-toi de ce qui est au-delà de ceci, car il n'y a point de fin à faire plusieurs livres, et tant d'études n'est que travail qu'on se donne. Le but de tout le discours qui a été oui, c'est, crains Dieu, et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Parce que Dieu amènera toute œuvre en jugement, touchant tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.